T'as craqué, craqué, t'es sous crack, mec. Ta routine t'a trahi, t'as craqué. Le vent à force, 6h du mat, c'est Wael, t'as craqué. T'es la run du balcon de mat, t'as craqué. Garde à vue, commission, rogatoire, t'as craqué. Le commissaire veut te faire valer un coup de dictionnaire, t'as craqué. Dans mes cartes, t'as mis une rodka, t'as craqué. Tu tournes en rond, y'a rien à faire, t'as craqué. Dehors, c'est le désert, y'a pas tes frères, t'as craqué. Les yarians, t'as mis un plan galère. T'as craqué, tu prends chez ZRF, t'as craqué. Il parle mal, refus de te payer, tu l'as claqué. De retour à la cité, les keufs sont dans ton bloc. T'as craqué, tu voulais récupérer ton crack et ton grillé. Course poursuite, t'es tombé dans un cul-de-sac. T'as craqué, ton plan cul séparé avec tes billets. T'as craqué, t'as la poisse, ça fait des années. T'as craqué, pas de solution à tes problèmes. T'as craqué, le shit se fait rare, c'est la pénurie. T'as craqué, donc tu fumes, les nerfs commencent à monter. Tu vas craquer. Tu les as claqués, ta meuf s'est tirée avec ton frère, t'as craqué. L'excuse, c'est que lui l'a satisfait et pas toi, t'as craqué. T'as les poches trouées comme la peau, c'est pas le moment de craquer. T'as prêté, tu sais yo, on t'a jamais vendu, t'as craqué. T'as de nouvelles sapes, on te déchire, t'as craqué. Le maire refuse de te donner ta carte d'identité, t'as craqué. Tu t'es fait sauter, comme permis, t'as craqué. Grand crame dans le sang, les gendarmes ont craqué. Vendredi soir, les videurs sont au fou. Tu reviens pour ta cagoule. Le patron a craqué. Il te laisse rentrer. Les meufs te trouvent moche. Tu t'es porté. Le lendemain, les huissiers viennent faire ton coq. T'as craqué. Tu sors ton gars, les allumes, y'a pas moyen d'entrer. Ce que t'as à moi n'est pas à vous, c'est ce que t'as rétorqué. Tu croyais avoir un pif, il est même pas agressif. T'as craqué. En grandissant, il est ressorti tout pas beau. T'as craqué. Son muson, sans loger, il est tout casse. T'as craqué. Tu réclames un crédit pour un vainqueur. T'as craqué. Ça fait 6 mois que t'as pas touché une seule. T'as craqué. Tout le monde t'esquive. Personne ne traînait avec toi. T'as craqué. T'as pas trop de tas de liasses. T'as craqué. Tous les jours t'es confronté à la grâce. Tu l'as cherché. Les jeunes elles prennent au dessus. T'as craqué. Ils te réclament ton fric et ta fume. T'as craqué. Dernier joint, pas de massa, pas de galon. T'as craqué. T'as daronne, t'as craqué. T'as mis son palier. T'as craqué. T'as pas de tas, pas de pas, c'est la hasse. T'as craqué. T'es pas beau, t'as la même gueule. Des scrims, t'as craqué. T'as pas les moyens de t'acheter un ice cream. T'as craqué. Tous les jours c'est bizarre, t'as craqué. Tous les jours c'est la même merde, t'as craqué. C'est Pilar qui vient foutre la merde, t'as craqué. T'as craqué. Pilar au chromie, t'as craqué. Pilar à mode sodomie, t'as craqué. Je viole tes enseignes, je te mets en scène. T'as craqué. Craqué. Craqué mec. T'as craqué. T'as craqué. Rien, je me détends en tuant. Cool, cool.